Bonjour et bienvenue sur mediatexte.fr. Apprendre comment télécharger librement nos audiolivres se fait en trois étapes très simples. Première étape, sélectionnez votre navigateur dans la liste ci-dessous. Si vous accédez à Internet via Lynx, utilisez le premier lien. Si vous accédez à Internet via Internet Explorer, utilisez le second lien. Enfin, si c'est par Mozilla Firefox que vous accédez à Internet, utilisez le troisième lien. Si d'ores et déjà vous disposez d'un logiciel vous permettant d'ouvrir les archives .zip, comme WinZip, iZark, WinRAR ou QuickZip, vous pouvez directement accéder à notre bibliothèque en utilisant le quatrième lien.